Don Bosco, Douiman. Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous. Nous sommes le 30 octobre 2018. Voici les grands titres de cette édition. Un des politiciens a participé à la 5e session de dialogue inter-burundais qui vient de se clôturer ce lundi par le facilitateur Benjamin Mkapa. Souhaite que la médiation soit récupérée par l'Union africaine et les Nations unies. Et c'est d'ailleurs une des recommandations qui ressortent du document que ces politiciens ont appelé « Proposition des voies de sortie de crise ». Vous en aurez le contenu dans ce journal. Mais au Parti Radiboule, on est tout à fait contre ces propositions qui, à ses yeux, sont contraires à l'indépendance du Burundi et à la démocratie. Et le ministre de la Justice a déclaré ce lundi que les commanditaires de l'assassinat du président Melchior Ndadaye sont restés impunis du fait qu'ils ont gardé leur influence sur le pouvoir. C'était hier au Sénat, lors de l'approbation du nouveau projet de loi régissant la commission Vérité et Réconciliation. Et dans la chronique santé, on reviendra sur la maladie infectieuse qui attaque la colonne vertébrale appelée spondylodicite. Voilà pour le sommaire. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. Je venais de vous le dire, nous revenons dans ce journal sur le contenu du document qui a été signé par les politiciens ayant participé à la 5e session du dialogue inter-burundais qui a été clôturée hier. Évaluer la mise en application et le respect de l'accord d'Arusha avant tout le processus électoral. Déployer des missions d'observation policière et militaire, incluant des unités de sécurisation des leaders politiques rentrant d'exil. La libération des prisonniers politiques et la levée des mandats d'arrêt des leaders politiques de l'opposition. Voilà certaines des recommandations sorties du dialogue d'Arusha qui s'est clôturé ce lundi. Dans le document appelé « Proposition des voies de sortie de crise » signé par les participants à ce 5e round du dialogue externe, il souhaite qu'avec l'annonce de l'arrêt du processus de dialogue par le facilitateur, l'ONU et l'Union africaine devraient mettre en place un nouveau cadre de dialogue. Gertrude Marinayo nous a lu le contenu de ce document. Dans ce document signé par les représentants des partis politiques et de l'opposition qui ont participé au 5e round du dialogue externe d'Arusha, ils disent que le contenu de ce document a pour but d'indiquer les voies et les moyens qui devraient être mis en œuvre pour éviter que le dialogue ne se termine en queue de poisson. En ce qui concerne le processus électoral à venir, ils demandent entre autres l'arrêt immédiat de toute forme de persécution des leaders politiques, des opposants et des jeunes suspectés d'appartenir à des partis politique de l'opposition. Pour un environnement préélectoral et sécuritaire, il demande aussi le désarmement effectif et immédiat de tous les civils, illégalement armés et le démantèlement des groupes paramilitaires et les milices. Il demande également le déploiement des missions internationales par l'Organisation des Nations Unies, l'Union africaine et la Communauté des États de l'Afrique de l'Est d'observation policière et militaire, incluant des unités de sécurisation des leaders politiques rentrant d'exil. Quant à l'environnement politique, ces leaders politiques de l'opposition demandent la réhabilitation des partis politiques fragmentés où ils donnent l'exemple des partis FNL, IPRONA et IPD Zigamibanga. Autre demande de ces leaders de l'opposition est la libération inconditionnelle des prisonniers politiques et le rapatriement et la réinsertion des réfugiés et des exilés, mais aussi la levée des mandats d'arrêt des leaders politiques et des organisations de la société civile. Dans le cadre du respect des droits et libertés fondamentaux, les représentants des partis politiques et de l'opposition demandent la réouverture des médias privés fermés dans le contexte de la crise actuelle et l'accès équitable aux médias publics. Ils demandent également la mise en place d'un mécanisme arbitral de gestion du contentieux électoral indépendant du système judiciaire. En concluant, ils appellent les Nations Unies, l'Union africaine et le sommet des chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est à mettre en application certaines résolutions et décisions qu'ils ont prises sur le Burundi. Ces leaders de l'opposition souhaitent également la mise en place d'un nouveau cadre de dialogue. Gertrude Marinayo et certains politiciens donc qui étaient à Arusha proposent que la poursuite du dialogue soit récupérée par la sous-région, l'Union africaine et les Nations unies. Pour eux, même si le facilitateur a indiqué qu'il clôturait le processus de dialogue, un de ces politiciens, Anice Niyonguru, dit qu'il faut plutôt choisir un autre moyen pour arriver à un compromis. Suivez. L'exemple que nous avons retenu, c'est d'abord un constat amer. On constate que la médiation de la crise burundaise n'a pas rempli son devoir comme il le fallait. Le deuxième constat amer, c'est cette clôture de ce dialogue inter-burundais en queue de poisson. Le facilitateur vient de dire, je clôture le dialogue inter-burundais de mon côté. Et il clôture sans aucun résultat. Les propositions, c'est que cette médiation puisse être maintenant prise en charge par l'Union africaine et les Nations unies. Parce que les chefs d'État de l'EAC aussi n'ont pas rempli correctement leur rôle. Parce qu'ils ont donné un devoir à un médiateur, mais ils n'ont pas fait le suivi. Et maintenant, il faut que cette question burundaise puisse aller à un autre niveau. Et le niveau de l'Union africaine, le niveau des Nations unies. Anice Niyongoro qui était à Arusha et dont les propos ont été recueillis par notre envoyé spécial Francine Ndihokugayo. Et quant au parti Iradebou, il n'a pas été là. Il dit être contre les conclusions formulées par l'opposition présente au cinquième rang du dialogue inter-burundais, expliquant qu'elles sont contraires à l'indépendance et à la démocratie du Burundi. Jean de Dieu Mutabazi, président de ce parti, trouve que les sujets à discuter pour parler inter-burundais sont anachroniques. Suivez-le. Nous, au parti Radebou, nous avons pris connaissance du document que ceux qui étaient présents à Arusha au cinquième round, ils ont signé au nombre de 30 avant de le remettre au facilitateur, l'ancien président de la Tanzanie, Benjamin Mkapa. Quand nous avons pris connaissance du contenu du document, nous avons constaté que finalement, ce n'était pas nécessaire pour nous, le parti Radebou, de s'y rendre. Parce que les discussions n'auraient rien produit. C'est pourquoi pour nous, le Radebou, ainsi que les autres formations politiques, plus de 11 formations politiques qui avions signé sur le document demandant aux facilitateurs de rester uniquement dans le cadre de la feuille de route signée à Kayanza, nous avons constaté que le document qu'ils lui ont remis n'a rien à voir avec la feuille de route de Kayanza. Deuxièmement, nous avons relevé pas mal de choses qui nous montrent vraiment qu'ils sont très négatifs. En effet, premièrement, ils ne reconnaissent pas les élections de 2015 et les institutions qui en sont issues. Ils ne reconnaissent pas également la constitution actuelle. Troisièmement, ils ne reconnaissent pas aussi la feuille de route de Kayanza ainsi que la CENI. Et cinquièmement, ils ne reconnaissent pas que les agents de sécurité burundais peuvent sécuriser les personnalités. Sixièmement, ils sont en dehors du renforcement de l'indépendance et de la démocratie au Burundi. Ils ne veulent pas de démocratie ni de l'indépendance du Burundi. Et c'est pourquoi, pour nous, nous demandons avec insistance qu'à leur retour, du moins pour ceux qui vont revenir à Bujumbura, ils puissent rapidement adhérer à la feuille de route de Kayanza pour qu'on puisse cheminer ensemble aux élections de 2020. Ces opposants suggèrent que ces pourparlers soient pris en main par l'Union africaine. Vous êtes du même avis? Nous avons vu à travers leurs réclamations qui ressortent dans la conclusion du document, qui sont en fait anachroniques. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Je vous l'avais dit dans les titres, les commanditaires de l'assassinat du héros de la démocratie, Melchior Ndadaye, n'ont pas encore été identifiés et traduits devant la justice du fait qu'ils ont gardé une influence sur le pouvoir. C'est le ministre de la Justice qui l'a déclaré. Il reconnaît cet état de fait et l'a déclaré ce lundi en répondant aux questions des sénateurs lors de l'approbation du projet de loi portant modification de la loi régissant la commission Vérité et Réconciliation. Pour plus de détails, Vestine Boutoui. Cette plénière avait comme objectif l'approbation du projet de loi portant modification de la loi régissant la commission Vérité et Réconciliation. Entre autres questions posées au ministre de la Justice était de savoir pourquoi 25 ans après l'assassinat du héros de la démocratie, Ndadaye Melchior, les auteurs de ce crime restaient toujours impunis. À cette question, Aimé Laurentine Kanyana, ministre de la Justice et envoyé spécial du gouvernement dans la dite plénière, a expliqué que la principale raison est que les auteurs de ce crime ont gardé une influence sur le pouvoir, ce qui a empêché la justice de faire son travail. Cette loi préconise un mandat de 4 ans de la commission Vérité et Réconciliation renouvelable chaque fois de besoin et la période que va couvrir les activités de la commission Vérité et Réconciliation sévère va s'étendre de 1885 jusqu'en 2008. Vestine Boutoui, puisque nous parlons justice, le tribunal de grande instance de Gitega vient de condamner à perpétuité dans un procès de flagrance des criminels ayant tué le motard Nezichi Mabed au niveau du monument Monseigneur Ruhuna. Il s'agit de Dushime Eloge, Arakaza Gentilvi, Sirakose Pacifique, Nshimirimana Jamari, Hakizimana Eric, qui a conservé la moto volée, a été condamné à 1 an de prison. Ils ont tous été conduits à la prison centrale de Gitega. Les nids de poules situés à la jonction du boulevard du Peuple Murundi et de l'Uprona sont à l'origine des accidents. Certains chauffeurs qui empruntent cet endroit et les passants rencontrés sur place le regrettent. Ces gens disent que pendant la saison de pluie, les voitures les éclaboussent à cause de ces nids de poules. Ils demandent aux instances habilitées de faire tout le tout possible pour réhabiliter cette route. C'est un reportage de Richard Kubgarugira. À la jonction du boulevard du Peuple Murundi et du boulevard de l'Iprona, tout près de l'ex-Waterfront Hotel, se trouvent deux nids de poules en succession, ce qui est à l'origine d'un mauvais déplacement des véhicules et les autres empruntent la voie des piétons. Un des chauffeurs que nous avons rencontrés nous a dit que ces nids de poules causent des accidents et surtout que c'est à la sortie des feux tricolores. Nous regrettons l'existence de ces nids de poules ici au centre-ville. À la sortie des feux tricolores, quand il y a signalisation des feux verts, ça devient difficile pour nous de démarrer la voiture à vive allure à cause de ces nids de poules, ce qui cause des accidents. Quand nous démarrons, des fois on nous cogne contre la partie arrière de la voiture. Selon un des piétons rencontrés sur le lieu, en plus de ces accidents que causent ces nids de poules, les voitures les éclaboussent. En cas de pluie, peut-être qu'au passe là, parce qu'il y a beaucoup de situations là-bas, et peut-être que ces véhicules qui sont dans une grande vitesse. Qui lance debout si les passagers. Ces chauffeurs et piétons demandent au gouvernement et aux instances habilitées de réhabiliter ces routes afin d'éviter ces accidents. En actualité internationale, la Commission électorale de la République démocratique du Congo a réceptionné ce lundi 29 octobre à Kinshasa un lot de camions, 150 véhicules et une dizaine d'avions et hélicoptères de l'armée pour acheminer le matériel des élections de décembre conformément à la volonté de la RDC de se passer de tout appui international. Trois scrutins présidentiels, législatifs, nationales et provinciales se tiendront le 23 décembre après avoir déjà été reportés à deux reprises. Fin 2016 et fin 2017, 21 candidats sont en lice pour la présidentielle qui doit désigner le successeur du président Joseph Kabila, resté 18 ans au pouvoir et qui ne pouvait plus constitutionnellement se représenter. Le président sortant a désigné son ex-ministre de l'Intérieur, Emmanuel Ramazani Shadary, comme candidat de sa majorité à cette présidentielle. L'opposition veut présenter un candidat commun, mais n'a pas encore réussi à se mettre d'accord sur un nom. Et une femme kamikaze est morte lundi 29 octobre après avoir visé une patrouille de police au cœur de Tunis. 15 policiers et 5 civils ont été blessés dans un acte qui vient de rappeler au pays la réalité de la menace terroriste. Et c'est la première fois qu'une femme kamikaze se fait exploser en Tunisie et le premier attentat sur la très symbolique avenue Bourguiba, l'artère principale de Tunis, pourtant quadrillée par les forces policières et encore ce mardi matin interdite à la circulation. Depuis 2015, année des attentats de Sousse, du Bardo et de Tunis qui ont fait plus de 70 morts. Le pays pensait en avoir fini avec les attentats. Certes, en juillet, 6 membres de la garde nationale sont morts lors d'une embuscade près de la frontière algérienne. Mais les autorités qui maintiennent l'état d'urgence depuis 2015 semblaient assurer la sécurité dans les agglomérations, en particulier Tunis. Radio Isanganiro, chronique santé. Dans la chronique santé ce mardi, on revient sur la maladie appelée spondylodysite infectieuse tuberculeuse qui attaque la colonne vertébrale et qui est une maladie infectieuse. Le rhumatologue Angélique Niokindi explique que si la maladie est traitée à temps, elle peut guérir. Selon toujours ce médecin, cette maladie peut conduire par contre à des complications si elle est traitée tardivement. Namianda Ikeje. Nous vous avons parlé dans notre précédente chronique santé de la maladie infectieuse appelée spondylodysite infectieuse tuberculeuse qui est une maladie de la colonne vertébrale. Le rhumatologue, le docteur Angélique Niokindi, a fait savoir que cette maladie se manifeste par les signes de la tuberculose et qu'elle attaque souvent les jeunes en âge de travailler. Cette maladie infectieuse risque de finir par la paralysie des personnes atteintes si elle n'est pas bien traitée. Le docteur Niokindi nous parle des différentes complications